Saint-Malo, il y a une rivière. Sur cette rivière, il y a un pont. Et sur ce pont, quand c'est l'hiver, et sur ce pont, passe la rivière. Et si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo. Et si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo. À Carnalo, il y a des enfants qui deviendront grands. Et ces enfants devenus grands, redeviendront des enfants. Et si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo. Et si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo. À Carnalo, il y a des passants qui passent et qui repassent. Et ces passants, tout en passant, passent en pensant. Et si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo. Et si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo. À Carnalo, c'est comme avant, sauf qu'avant, c'était Carnalo. Comme avant, quand c'était Carnalo, comme avant, on se jette tous à l'eau. Si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo. Hey, si t'as rien à foutre le dimanche, va donc faire un tour à Carnalo.